إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on va commencer inshallah un premier cours dans les cours de tafsir du Coran. Et le tafsir qu'on va lire ensemble aujourd'hui, c'est le tafsir de Surat Fatir, qui est la Surat 35 dans l'ordre du Coran. Et donc on va profiter du fait que justement on est dans le mois du Ramadan pour, Inch'Allah, lire le Coran et lire son interprétation et son explication, puisque c'est le mois du Coran. C'est le mois dans lequel le Coran a été révélé. Et donc c'est bien de donner dans ce mois beaucoup d'importance au Coran. Donc Inch'Allah, on espère que qu'est-ce qu'on va lire ensemble aujourd'hui, ce sera bénéfique pour nous et qu'on en profitera au maximum Inch'Allah, et que ce sera écrit pour nous dans notre livre et qu'on en verra le poids dans la balance au jour de la résurrection parmi les choses qui vont faire peser notre balance en bonne action. Donc premièrement, Surat Fatir, on le traduit par le Créateur. C'est Surat Fatir, c'est Surat le Créateur. Et c'est une surah qui a été révélée à Mecca. C'est une surah qui est Makkiya. Hein? Donc on va commencer donc par réciter en arabe la première partie, disons, du verset 1 à 11, Inch'Allah, puis ce sont les versets qu'on va expliquer aujourd'hui. Donc le cours d'aujourd'hui se limitera à l'explication du verset 1 à 11. Et comme j'ai mentionné dans le message que j'ai envoyé par rapport au cours, le cours va être, on va utiliser comme référence pour le cours deux tafsirs en fait. C'est le tafsir de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, qui est un tafsir qui est très résumé et qui est très bénéfique aussi, puisqu'il clarifie beaucoup de choses qui ont rapport avec les principes de l'islam de façon très simple et d'une manière toujours éloquente aussi. Et en même temps, le tafsir qui est un résumé de tafsir Ibn Kathir, c'est un tafsir qui s'intitule Al-Misbah Al-Munir fi Tahdhib Tafsir Ibn Kathir. C'est donc un résumé de Tafsir Ibn Kathir préparé par plusieurs d'entre les ulama, mais sous la supervision du Cheikh Safiur Rahman Al-Mubarak Fouri. Donc c'est un autre tafsir qui est très bénéfique, qui est résumé aussi, mais qui c'est parfait pour quelqu'un qui débute dans le domaine du tafsir pour apprendre, disons, les choses les plus importantes pour commencer dans qu'est-ce qui a rapport avec la compréhension des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa parole. Et les raisons pour lesquelles j'ai décidé de réunir ces deux tafsirs, c'est parce que le Cheikh As-Sa'di,

ô homme, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui, du ciel et de la terre, vous attribue votre subsistance? Point de divinité à part lui. Comment pouvez-vous vous détourner de cette vérité? Et s'ils te traitent de menteur, certes ils ont traité de menteur des messagers avant toi. Vers Allah cependant, tout est ramené. Ô homme, la promesse d'Allah est vérité. Ne laisse pas la vie présente vous tromper. Ne laissez pas la vie présente vous tromper. Et que le grand trompeur, Shaitan, ne vous trompe pas à propos d'Allah. Le diable est pour vous un ennemi, prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Ceux qui ont mécru auront un dur châtiment, tandis que ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront un pardon et une grosse récompense. Et quoi? Celui à qui on a enjolivé sa mauvaise action au point qu'il la voit belle, mais Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Que ton âme ne se répande donc pas en regret pour eux. Allah est parfaitement savant de ce qu'il fabrique. Et c'est Allah qui envoie les vents qui soulèvent un nuage que nous poussons ensuite vers une contrée morte. Puis nous redonnons la vie à la terre après sa mort. C'est ainsi que se fera la résurrection. Quiconque veut la puissance, qu'il la cherche auprès d'Allah. Car la puissance tout entière est à Allah. Vers lui monte la bonne parole et il élève haut la bonne action. Quant à ceux qui complotent de mauvaises actions, ils auront un dur châtiment. Cependant, leur stratagème est voué à l'échec. Et Allah vous a créé de terre, puis d'une goutte de sperme. Il vous a ensuite établi en couple. Nulle femelle ne porte ni ne met bas sans qu'il le sache. Et aucune existence n'est prolongée ou abrégée sans que cela soit consigné dans un livre. Cela est vraiment facile pour Allah. Donc ça, c'est la traduction qui est faite des différents versets, hein, ou bien plutôt de la signification de ces versets-là, et c'est une explication vraiment, et un résumé. Hein, c'est une explication vraiment résumée de ce que signifient ces versets-là. Maintenant, on va regarder dans le tafsir des ulama, qu'est-ce que ces savants ont mentionné comme clarification des sens et des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette surah, qui est vraiment une surah magnifique et merveilleuse. Donc on va la lire ensemble inshallah et lire les paroles des ulama, puis expliquer qu'est-ce que ces paroles là signifient en français inshallah. Donc pour commencer, on va expliquer les deux premiers versets, versets 1 et 2. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, dans le tafsir de Cheikh Sa'di, il dit Alhamdulillah, Alhamdulillah, fatir al-samawat wal-ard, ja'il al-malaikat rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha', inna allaha ala kulli shay'in qadir, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha, wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih, wa huwa al-azizul hakim. Donc c'est les deux premiers versets. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges, des messagers dotés d'ailes, hein, dotés de deux ou trois ou quatre ailes. Donc on va traduire la suite au fur et à mesure de l'interprétation des ulama dans le tafsir. Le cheikh explique, il dit « يَمْدَحُ اللَّهُ تَعَالَ نَفْسَهُ الْكَرِيمَةُ الْمُقَدَّسَةُ على خلقه السماوات والأرض وما اشتملتا عليه من المخلوقات لأن ذلك دليل على كمال قدرته وسعة ملكه وعموم رحمته وبديع حكمته وإحاطة علمه. Donc le cheikh, il commence par expliquer le fait que Allah subhanahu wa ta'ala se glorifie lui-même, il glorifie sa noble et sa sainte personne. Hein, et personne ne peut glorifier Allah mieux que Allah se glorifie lui-même. Et ça, c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionnait, hein, dans ses du'as, lorsqu'il invoquait Allah, il disait « La nuhsi thana'an alayk, anta kama athnayta ala nafsik. » Hein, on ne peut pas arriver à faire ton éloge, hein, à faire tes éloges comme tu le mérites. Tu es, certes, comme tu t'es glorifié toi-même. Et comme tu t'es élogé toi-même. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala commence par justement faire sa louange, hein, sa propre louange, et il mentionne justement cette louange par le fait qu'il ait créé les cieux et la terre. Donc, c'est parmi les choses qui font en sorte qu'il mérite de la gloire et de sa louange, c'est justement le fait qu'il ait créé les cieux et la terre. Et tout ça, ça implique et ça comprend également tout ce qu'elle contient comme création, tout ce que les cieux et la terre comprennent comme création également, et tout ce qui est à l'intérieur donc des cieux et de la terre. Et il y a dans ça une preuve de la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa toute puissance, de la largesse de son royaume, de la grandeur et de la généralité de sa miséricorde, de la perfection également de sa sagesse et de sa science qui englobe et qui enveloppe toutes choses. Donc toutes ces choses-là méritent ou font en sorte que Allah subhanahu wa ta'ala mérite cette louange et cette gloire. Ensuite, le cheikh dit: وَلَمَّا ذَكَرَ الْخَلْقَ ذَكَرَ بَعْدَهُ مَا يَتَضَمَّنُ الْأَمْرُ وهو أنه جاعل الملائكة رسلا في تدبير أوامره القدرية ووسائط بينه وبين خلقه في تبليغ أوامره الدينية وفي ذكره أنه جعل الملائكة رسلا ولم يستثن منهم أحدا دليلا على كمال طاعتهم لربهم وانقيادهم لأمره كما قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Donc le cheikh il explique que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par mentionner la création, c'est-à-dire la création des cieux et de la terre, il a mentionné par la suite qu'est-ce qui comprend également son ordre, hein? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans un autre verset, il dit ألا له الخلق والأمر, c'est à lui qu'appartient la création et l'ordre ou le commandement. Donc, il a expliqué qu'est-ce qui a rapport avec sa création. Maintenant, il parle de qu'est-ce qui a rapport avec son ordre. C'est-à-dire qu'il a fait des anges des messagers. Hein? Et parmi ces messagers-là, il y en a qui sont chargés donc de transmettre et de gérer ses ordres dans sa création, et également de transmettre son commandement. Parce que ces anges-là sont des intermédiaires entre les hommes, entre la création et Allah subhanahu wa ta'ala dans la transmission de ses ordres et de ses commandements religieux, hein, puisqu'il envoie pour transmettre le message des anges à ses messagers parmi les êtres humains, parmi les prophètes, pour par la suite que ces messagers-là nous transmettent ses commandements et ses ordres par leur intermédiaire. Donc, c'est dans ce sens-là que le cheikh explique qu'il représente l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le fait de mentionner que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ses anges des messagers, il n'a exclu aucun d'entre eux. Il n'a exclu aucun d'entre ses anges, et ça c'est la preuve de l'obéissance parfaite que ces anges-là ont envers leur Seigneur, envers leur Créateur, puisqu'ils sont tous soumis, sans exception, à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il y a ici une réfutation en même temps des juifs et des chrétiens qui parfois prétendent qu'il y a des anges du bien et des anges du mal, ou qu'il y a des bons anges et des mauvais anges, ou qu'il y a des anges chutés. Tout ça c'est réfuté par ce que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans ce verset et dans d'autres versets également, comme par exemple lorsqu'il parle des anges dans un autre endroit dans le Coran, il mentionne que les anges ne le désobéissent pas, hein, ils ne désobéissent pas à Allah dans ce qu'ils sont ordonnés de faire par Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils font ce qu'on leur ordonne. La ya'sun Allah ma amarahum ويفعلون ما يؤمرون. Et il dit ensuite: ولما كانت الملائكة مدبرات بإذن الله ما جعلهم الله موكلين فيه مدبرات ما جعل الله موكلين فيه ذكر قوتهم على ذلك وسرعة سيرهم بأن جعلهم أولي أجنحة تطير بها فتسرع التنفيذ فتسرع تنفيذ ما أمرت به مثنى وثلاثة ورباع أي منهم من له جناحان وثلاثة وأربعة بحسب ما اقتضته حكمته يزيد في الخلق ما يشاء أي يزيد بعد مخلوقاته على بعض في صفة خلقها وفي القوة وفي الحسن وفي زيادة الأعضاء المعهودة وفي حسن الأصوات ولذة النغمات. Donc le cheikh explique ensuite que étant donné que les anges sont chargés de gérer ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de faire par la permission, donc ils sont gérés de s'occuper de certaines des choses dans la création par la permission d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a donc mentionné de leur force, de la force de ces anges, comment Allah subhanahu wa ta'ala les a créés forts et comment il les a également créés avec une vitesse et une rapidité dans leur déplacement, dans le sens qu'il leur a donné des ailes. Et il dit Uli ajnihatin, c'est-à-dire qu'ils sont dotés d'ailes par lesquelles ou avec lesquelles ils volent et par lesquelles ils sont capables d'exécuter les ordres qu'on leur a ordonné d'exécuter avec rapidité, et que ces ailes-là sont parfois deux, c'est-à-dire parfois certains anges ont deux ailes, d'autres trois et d'autres quatre. Donc parmi les anges, il y en a qui ont des différents nombres d'ailes selon la sagesse qui est impliquée par ça, par Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il augmente également sa création, il ajoute à sa création ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il peut augmenter de ses créatures et augmenter certaines de ses créatures par rapport à d'autres, donner à certaines créatures plus que ce qu'il donne à d'autres créatures, soit dans la description ou dans la façon de les avoir créés, ou bien dans leur force, ou dans leur beauté, ou dans l'augmentation des membres qu'ils possèdent à ceux qui sont habituellement connus, ou ainsi de suite. Il est capable d'ajouter, il est capable de donner à certaines des plus belles voix et des différentes donc caractéristiques. Tout ça c'est pour montrer la toute puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour ça qu'il dit par la suite inna Allah ala kulli shay'in qadir, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a le pouvoir sur toute chose, a le pouvoir sur toute chose. Maintenant en ce qui concerne le tafsir Ibn Kathir dans son résumé, il y a certains petits détails qui sont rajoutés par rapport à ce verset-là. Le cheikh, il mentionne, Imam Ibn Kathir, il mentionne que Abdullah, il dit an Ibn Abbas radiyallahu anhuma قال كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني عربيان عربيان أو أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما لصاحبه أنا فطرتها أي بدأتها. Donc ça c'est une parole au sujet du fait, au sujet du titre de cette sourate, et c'est rapporté selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma qui dit je ne savais pas ce que signifiait فاطر السماوات والأرض jusqu'à ce que me viennent deux Arabes, deux Bédouins, qui se disputaient au sujet d'un puits. Et l'un dit à l'autre, je l'ai fabriqué, je l'ai créé. C'est-à-dire, je l'ai, c'est moi qui l'ai creusé, c'est moi qui l'a débuté. Et donc, à partir de ce moment-là, Abdullah ibn Abbas explique que c'est ça qui l'a fait comprendre la signification du terme fatir. Puisque on sait que les Arabes qui vivaient à l'époque dans le désert sont ceux qui parlaient l'arabe pur. Les gens disaient que l'arabe, c'est les gens du désert qui le parlent le mieux, puisque leur arabe hein, et il est pur. Et c'est pour cette raison-là que les nobles de Quraysh, lorsqu'ils avaient des enfants, ils les envoyaient au désert pour justement prendre de l'air du désert, puis en même temps pour apprendre l'arabe, hein, des bédouins, puisque c'était eux qui avaient le meilleur arabe, hein, contrairement à qu'est-ce qui s'est produit par la suite. On sait qu'avec le temps, eh bien, l'arabe s'est mélangé avec des mots de d'autres langues et que l'arabe s'est détérioré avec le temps, hein. C'est pour cette raison-là que les premiers savants de la langue allaient dans le désert justement avec les bédouins pour apprendre l'arabe et par la suite ils revenaient et ils ont écrit par la suite les règles de grammaire justement pour pouvoir préserver la langue pour qu'elle ne se détériore pas, parce que on sait que l'arabe c'est qu'est-ce qui en fait nous permet de comprendre le Coran et de comprendre la Sunna. Donc on a besoin de la langue arabe pour comprendre l'islam. Et donc il a compris que la signification du mot fatir, c'est le créateur, celui qui a créé quelque chose, hein, sans précédent, celui qui a créé quelque chose à partir de rien. Et Abdullah ibn Abbas justement s'est rapporté aussi qu'il a dit قال ابن عباس رضي الله عنهما ايضا فاطر السماوات والارض اي بديع السماوات والارض, hein, celui qui a innové ou qui a créé les cieux et la terre à partir de, hein, alors qu'il n'avait pas de modèle précédent. Donc ça c'est une autre signification du terme fatir. Et ici également قال الضحاك وكل شيء في القرآن فاطر السماوات والأرض فهو خالق السماوات والأرض. Donc الضحاك, un des tabi'in, il explique que tout ce qui est mentionné dans le Coran comme étant ou bien comme toute parole qui mentionne le créateur, le fatir des cieux et de la terre, c'est-à-dire que c'est le créateur des cieux et de la terre. C'est-à-dire que le mot fatir signifie khaliq, c'est-à-dire le créateur. Ensuite, lorsqu'il dit wa qawluhu ta'ala ja'il al mala'ikati rusulan ay baynahu wa bayna anbiya'ihi, donc il a fait des anges des messagers, c'est-à-dire des messagers entre lui et ses prophètes. Uli ajnihatin ay yatiruna biha liyuballighu ma umiru bihi sari'an, donc ils sont dotés d'ailes pour pouvoir voler vers les tâches qu'on leur a assignées, pour qu'ils puissent également transmettre ce qui leur a été ordonné de transmettre rapidement. Masna wa thulatha wa ruba', c'est-à-dire, ils sont dotés d'ailes, soit deux, trois ou quatre, c'est-à-dire, le cheikh il dit, ay minhum man lahu janahan, wa minhum man lahu thalatha, wa minhum man lahu arba'a, wa minhum man lahu akthar min dhalik. كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام ليلة الإسراء وله 600 جناح بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب, ولهذا قال جل وعلا يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. قال السدي يزيد في الأجنحة وَخَلْقِهِمْ مَا يَشَاء. Donc le cheikh explique ensuite que parmi les anges, donc il y en a qui en ont deux, qui ont deux anges, d'autres qui ont trois, et certains ont quatre, et parmi les anges il y en a d'autres qui en ont plus que ça encore, comme c'est rapporté dans le hadith que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril alayhi salam la nuit de l'ascension nocturne, hein, Al-Isra, et il a dit à propos de Jibril qu'il avait 600 ailes. Entre chacune de ces ailes, il y a la distance qu'il y a entre l'Orient et l'Occident. Hein. Donc ça veut dire que, comme c'est mentionné dans d'autres narrations aussi, qu'avec un aile, il couvre l'horizon. Il couvre l'horizon avec un seul de ses 600 ailes. Hein? Donc, imaginez la grandeur de Jibril alayhi salam. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit, il augmente la création comme il veut. Il ajoute à la création comme il veut. Donc, il peut ajouter le nombre d'ailes qu'il veut aux anges. C'est pour ça que Yani As-Suddi, un des imams du tafsir également, parmi les ulama des tabi'in, il disait, il augmente le nombre d'ailes de ses anges et leur création comme il veut. Hein? Ensuite, le verset suivant, Allah subhanahu wa ta'ala dit, oui, ثم ذكر انفراده تعالى بالتدبير والعطاء والمنع فقال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك من رحمته عنهم فلا مرسل له من بعده فهذا يوجب التعلق بالله والافتقار إليه من جميع الوجوه وأن لا يدعى إلا هو ولا يخاف ولا يرجى إلا هو وهو العزيز الذي قهر الأشياء كلها الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها ويزلها منازلها. Donc le cheikh il explique ici le verset 2, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne ensuite le fait qu'il est le seul à tout contrôler et à tout gérer dans l'univers et le seul qui donne et qui retient. Donc le verset, il dit, ce qu'Allah accorde en miséricorde aux gens, il n'est personne à pouvoir le retenir. Et ce qu'il retient, il n'est personne à le relâcher après lui. Et c'est lui le puissant, le sage. Donc ce que Allah subhanahu wa ta'ala donne aux hommes de sa miséricorde, personne ne peut le retenir. Et ce qu'il retient de sa miséricorde, hein, ce qu'il retient aux hommes de sa miséricorde, personne ne peut le relâcher après lui. Hein? Et donc, ça nous amène à quoi? Ou ça indique quoi? Ça indique que dans ce cas-là, on doit s'accrocher à Allah. Et on doit demander à Allah. Et si on a quelque chose, si on a besoin de quoi que ce soit, c'est à Allah seul qu'il faut le demander. Et il faut comprendre notre besoin de lui. Hein? En dehors de toute autre chose. Hein, et comprendre que c'est de lui qu'on a besoin au-dessus de toute personne, au-dessus de toute chose. C'est en lui donc qu'on doit mettre notre besoin et notre confiance. C'est lui seul à qui on doit demander, c'est lui seul qu'on doit invoquer, c'est lui seul que nous devons craindre et c'est en lui seul que nous devons avoir l'espoir, hein, et personne d'autre. Et c'est lui le puissant, Al-Aziz, celui qui a le pouvoir sur toutes choses, Al-Hakim, celui qui sait mettre les choses à leur propre place et à leur propre niveau. Donc ça c'est l'explication dans le tafsir de Cheikh As-Sa'di. Cheikh l'imam Ibn Kathir, il explique, il dit que لِيُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاء لَمْ يَكُنْ وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il nous explique que ce que Allah veut c'est ce qui est et ce qu'il ne veut pas n'existe pas, hein? Et que rien ne peut empêcher ce qu'il donne et personne ne peut donner ce qu'il a retenu ou ce qu'il a empêché. Il dit ensuite وروى الإمام أحمد عن وراد مولى المغيرة ابن شعبة قال إن معاوية كتب إلى المغيرة ابن شعبة اكتب لي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني المغيرة فكتبت إليه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انصرف من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سمعته ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وعن وأد البنات وعقوق الأمهات ومنع وهات أخرجاه من طرق. Donc il explique ensuite un hadith qui est rapporté selon l'imam Ahmad et par d'autres également, Al-Bukhari, Muslim et d'autres. Et c'est un hadith rapporté selon Warrad Mawla al-Mughira. Donc c'est le servant de Al-Mughira ibn Shu'ba. Il dit que Muawiyah a écrit une lettre à Al-Mughira ibn Shu'ba lui demandant de lui écrire ce qu'il a entendu de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors il dit, Al-Mughira m'a appelé, c'est-à-dire Warrad, il dit que Al-Mughira l'a appelé. Il a écrit pour lui qu'est-ce qu'il a entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Warrad a écrit pour envoyer la lettre donc à Muawiyah pour lui répondre à sa demande. Il dit, j'ai entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il terminait sa prière qu'il disait La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Rien ne mérite d'être adoré lui seul et il n'a pas de partenaire. له الملك وله الحمد. C'est à lui qu'appartient, c'est à lui seul qu'appartient le royaume, mais c'est à lui seul qu'appartient la louange. وهو على كل شيء قدير. Et il a le pouvoir sur toute chose. Oh Allah, personne ne peut retenir ce que tu as donné, ni donner ce que tu as retenu. Et la richesse de celui qui est riche ne peut lui profiter devant Allah subhanahu wa ta'ala. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. La richesse, c'est de toi qu'elle vient, c'est-à-dire elle vient d'Allah. Et donc c'est pas la richesse qui peut profiter à la personne qui est riche auprès d'Allah, mais uniquement, comme on sait, c'est uniquement les bonnes œuvres. Et il dit, j'ai entendu également qu'il interdisait de rapporter toutes les paroles. Qu'est-ce qui a été dit? Un tel a dit telle chose et l'autre a dit telle chose. Al-qil wal-qal. Et de poser trop de questions, kathratu su'al, et de gaspiller l'argent, ida'atul mal, et également d'enterrer les filles vivantes, comme les gens le faisaient dans la jahiliya. De même que de désobéir aux mères, d'être désobéissant envers nos mères, et également de retenir lorsqu'on a un droit à donner, et de demander. De demander aux gens de nous donner quelque chose. Donc, il interdisait ces choses-là. Et tout ça, ça a été rapporté, donc, comme on a dit, par Al-Bukhari et Muslim. Et par l'imam Ahmad également. Il dit وَثَبَتَ فِي صَحِحِ مُسْلِمْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم أهل الثناء والمجد وأحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وهذه الآية كقوله تبارك وتعالى إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله ولها نظائره كثيرة. Donc il dit, et dans ce verset également on a, il mentionne également par rapport à ce verset le hadith qui est rapporté par dans Sahih Muslim selon Abi Sa'id al-Khudri رضي الله عنه que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il relevait sa tête du recours, c'est-à-dire de l'inclinaison, il disait سمع الله لمن حمده. Ou Allah exauce celui qui t'a glorifié ou entend celui qui t'a glorifié. Ou Allah, notre Seigneur, c'est à toi qu'appartient la louange, et elle remplit les cieux et la terre, et elle remplit ce que tu veux également après cela. Oh Allah, c'est toi qui es celui qui mérite l'éloge et la majesté. Et la chose la plus vraie, la chose la plus vraie qu'un serviteur a pu dire, et nous sommes tous pour toi un serviteur, oh Allah, personne ne peut retenir ce que tu as donné, et personne ne peut donner ce que tu as retenu. et la richesse du riche ne peut le profiter auprès de toi. Et donc ce verset, il est semblable également à un autre verset dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si Allah subhanahu wa ta'ala te touche avec un tort ou un mal quelconque, personne ne pourra le retirer ou te délivrer de ce mal excepté lui. Et si il te veut un bien quelconque, alors personne ne peut repousser sa grâce. Et il y a des versets semblables qui sont très nombreux dans le Coran. Et donc ça nous amène à quoi? Ça nous amène à mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et non pas en quoi que ce soit en dehors d'Allah. De savoir que tout ce qui nous arrive de bien, c'est uniquement d'Allah que ça vient, et tout ce qui peut nous toucher de mal, ça peut uniquement venir d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le verset qui suit, « Ya ayyuha an-nas, udhkuru ni'matallahi alaykum, hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum min as-sama'i wal-ard » لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. Ici, le Cheikh il explique ces versets. Ô vous les hommes, ô hommes, rappelez-vous les bienfaits d'Allah sur vous. Existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui du ciel et de la terre vous attribue votre subsistance? La ilaha illahu, point de divinité à part lui. Comment pouvez-vous vous détourner de cette vérité? Cheikh As-Sa'di l'explique, il dit, يأمر تعالى جميع الناس أن يذكروا نعمته عليهم. وهذا شامل لذكرها بالقلب اعترافا وباللسان ثناء وبالجوارح انقيادا فإن ذكر نعمه فإن ذكر نعمه تعالى داع لشكره ثم نبههم على أصول النعم وهي الخلق والرزق فقال هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لما ولما كان من المعلوم أنه ليس أحد يخلق ويرزق إلا الله نتج من ذلك أن كان ذلك دليلا على ألوهيته وعبوديته ولهذا قال لا إله إلا هو فأنا تؤفكون أي تصرفون عن عبادة الخالق تصرفون عن عبادة الخالق الرازق لعبادة المخلوق المرزوق. Donc le Cheikh il explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à tous les hommes qu'ils se souviennent de ses grâces sur eux, à tous les hommes, les croyants et les non-croyants, parce que ils sont tous dans la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, quand on mentionne le fait de se souvenir de ces grâces-là, ça comprend de se souvenir de ces grâces-là par le cœur en les reconnaissant, de se souvenir de ces grâces par la langue en faisant le remerciement et l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses grâces, et ça comprend également le fait de se souvenir de ses grâces par notre corps, c'est-à-dire en se soumettant à ses commandements et à ses ordres. Et le fait de mentionner les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça nous amène justement à être reconnaissant envers lui, et à le remercier justement. Et parmi les fondements des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait qu'il nous a créés et le fait qu'il nous donne la subsistance. Et c'est pour ça qu'il dit, est-ce qu'il y a un créateur autre que Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il existe en dehors d'Allah un créateur qui du ciel et de la terre vous attribue votre risque, votre subsistance? Et donc ça, le résultat de cette question, c'est de comprendre et de savoir qu'il y a dans ça le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne notre subsistance et que c'est lui notre créateur. Il y a la preuve du fait que c'est seul Allah qui mérite notre adoration. Hein? Et c'est pour ça qu'il dit justement par la suite, « La ilaha illahu » hein? « Nulle divinité en dehors de lui » ou bien « Rien ne mérite d'être adoré autre que lui » « Fa'anna fakun » Alors comment pouvez-vous vous détourner de cette réalité? Hein? Comment pouvez-vous donc, comment pouvez-vous offrir une adoration quelconque à autre que à Allah? Hein? Comment pouvez-vous tourner, vous détourner de l'adoration? Tusrafuna an ibadatil khaliq ar-raziq, vous vous détournez de l'adoration du Créateur et de celui qui pourvoit la subsistance pour adorer des créatures qui sont elles-mêmes assistées, hein, et à qui on donne de la subsistance. Donc comment pouvez-vous vous détourner de cette façon? Et justement, le cheikh il explique dans le tafsir d'Ibn Kathir à ce sujet-là que ça c'est un appel au tawhid. Ce verset est un rappel du tawhid, puisque Allah subhanahu wa ta'ala ici il indique à ses serviteurs, hein, il dit le cheikh, yunabbihu ta'ala ibadahu wa yurshiduhum ila al-istidlal ala tawhidihi fi ifrad al-ibadati lahu kama annahu al-mustaqillu bil khalq wal rizq fakadhalika falyufrad bil ibadah wa la yushrak bihi ghayruhu من الأصنام والأنداد والأوثان ولهذا قال تعالى لا إله إلا هو فأنى تؤفكون أي فكيف تؤفكون بعد هذا البيان ووضوح هذا البرهان وأنتم بعد هذا تعبدون الأنداد والأوثان والله أعلم. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il indique par ce verset à ses serviteurs et il les oriente et il leur donne la preuve de l'ordre d'établir son tawhid, les preuves par rapport à son tawhid, c'est-à-dire à son unicité et au sujet du fait que il doit être adoré en exclusivité, hein, et que c'est lui seul qui mérite d'être adoré du fait qu'il est le seul à donner la subsistance et à créer. Donc, étant donné qu'il est le seul à créer et à donner la subsistance, eh bien, il doit également être celui qui est adoré exclusivement et personne d'autre que lui ne doit être adoré et il n'a aucun partenaire qui pourrait mériter quoi que ce soit de son adoration parmi les idoles, parmi les seigneurs et les égaux qu'on donne à Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les mushrikins, hein? Et également parmi toutes les choses qui sont adorées en dehors d'Allah, hein? Les idoles, ça comprend également qu'est-ce que les gens adorent à notre époque, parmi les gens qui adorent les saints, les tombes, hein? Et qui leur offrent des sortes d'adoration. Donc ça aussi c'est compris dans qu'est-ce qu'on appelle les idoles et les asnam et les awthan et ainsi de suite. Tout ça sont des choses, hein, qui font partie de, si on les adore, qui font partie du shirk. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, juste après, il dit, rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Alors, comment pouvez-vous vous détourner? Comment vous pouvez vous détourner du tawhid, de l'adoration d'Allah seul, alors que vous savez que c'est Allah seul qui est votre créateur et celui qui vous donne le risque? Donc, après une telle preuve, une preuve si claire, eh bien, comment pouvez-vous continuer, malgré tout, à adorer des idoles et à adorer des statues, hein? Donc ça, c'est qu'est-ce qui est établi et prouvé par ce verset, c'est At-Tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ » وإلى الله ترجع الأمور. C'est-à-dire, et si on te traite de menteur, certes on a traité des messagers de menteurs avant toi. Vers Allah cependant, tout est ramené. Cheikh As-Sa'di, il dit: وإن يكذبوك أيها الرسول فلك أسوة بمن قبلك من المرسلين فقد كذبت رسل من قبلك فأهلك المكذبون ونجى الله الرسل وأتباعهم وأولي وإلى الله ترجع الأمور. Donc, si on te traite de menteur, ô toi le messager, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sache qu'il y a pour toi, dans l'exemple des messagers qui ont été envoyés auparavant, un modèle à suivre pour toi. Parce que eux aussi, parmi ces messagers-là, ils ont été traités de menteurs avant toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait périr ceux qui ont traité de menteurs les messagers, et il a sauvé les messagers et ceux qui les ont suivis. Et c'est vers Allah que toute chose est ramenée. Wa ila Allahi turja'ul umur. Dans le tafsir Ibn Kathir, le Cheikh dit: Yaqulu tabaraka wa ta'ala wa in yukadhibuka ya Muhammad ha'ulai al-mushrikun billah wa yukhalifuka fima ji'tahum bihi min at-tawhid falaka fi man salafa qablaka min ar-rusuli uswa فإنهم كذلك جاءوا قومهم بالبينات وأمروهم بالتوحيد فكذبوهم وخالفوهم وإلى الله ترجع الأمور أي سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء. ثم قال تعالى. Donc ici le Cheikh il explique dans le résumé de Tafsir Ibn Kathir, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans ce verset que si il te traite de menteur au Muhammad, si ces mushrikoun qui ont fait le shirk avec Allah, ils te traitent de menteur et ils te contredisent dans ce que tu leur as ramené du tawhid, alors sache qu'il y a pour toi un salaf, il y a dans ceux qui t'ont précédé parmi les messagers un bon exemple. فِي مَنْ سَلَفَ قَبْلَكَ مِنَ الرُّسُلِ أُسْوَى. Parce qu'ils sont venus vers leur peuple, ces messagers-là sont venus vers leur peuple avec des preuves claires et ils ont ordonné à leur peuple d'établir l'unicité d'Allah, le tawhid, et leur peuple les ont traités de menteurs et ont traité ce qu'ils ont ramené de mensonges et ont contredit leur ordre, et c'est vers Allah que les choses seront ramenées, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala va donner la plus grande des rétributions aux messagers pour qu'est-ce qu'ils ont fait de bien, pour avoir transmis sa religion. Et bien entendu, les mushrikoun auront également la rétribution qu'ils méritent pour avoir traité les messagers de menteurs. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans les versets qui suivent: Ya ayyuhan nas, inna wa'adallahi haqq, fala taghurrannakum al-hayatu al-dunya. ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. Donc dans la suite des versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ô homme, la promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper, et que le grand trompeur, le shaitan, ne vous trompe pas à propos d'Allah. Le diable est pour vous un ennemi, alors prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Le Cheikh Sa'di, il explique ce verset-là en disant: Yaqulu ta'ala, ya ayyuhan nas, inna wa'adallahi haqq, inna wa'adallahi bil-ba'thi والجزاء على الأعمال حق أي لا شك فيه ولا مرية ولا تردد قد دلت ذلك على ذلك الأدلة السمعية والبراهين العقلية فإذا كان وعده حقا فتهيئوا له وبادروا أوقاتكم الشريفة بالأعمال الصالحة ولا يقطعكم. Donc le Cheikh il explique, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il dit: Oh vous les hommes, la promesse d'Allah elle est véridique, c'est-à-dire la promesse de la résurrection et de la rétribution pour les œuvres, elle est véridique, elle est vérité. Alors, il n'y a pas de doute à son sujet, et il n'y a pas non plus d'hésitation. Et cette résurrection et ce retour, il a été établi et prouvé par des preuves de la révélation et par des preuves évidentes également, même dans la raison, et des preuves rationnelles à son sujet. Donc, étant donné que sa promesse, elle est véridique, alors prépare-toi et précipite-toi vers le fait de bien profiter de ton temps et d'utiliser ton temps qui est noble à faire des bonnes œuvres, hein, et ne laisse rien te couper justement de la bonne utilisation de ce temps-là. فلا تغرنكم الحياة الدنيا. Ne te laisse pas tromper par la vie d'ici-bas. بلذاتها وشهواتها ومطالبها النفيسة ومطالبها النفسية. فتلهيكم عما خلقتم له. ولا يغرنكم بالله الغرور الذي هو الشيطان. الذي هو عدوكم في الحقيقة فاتخذوه عدوا أي لتكن منكم عدوا عداوته على بال ولا تهملوا محاربته كل وقت فإنه يراكم وأنتم لا ترونه وهو دائما لكم بالمرصاد. لشيخ الإكسبليك إلدي: ne laisse pas donc cette vie d'ici-bas te tromper avec ses plaisirs, avec ses désirs, avec ses exigences, les choses que l'âme exige. Et ne la laissez pas non plus vous distraire de ce que vous avez, de ce pourquoi vous avez été créé, c'est-à-dire l'adoration d'Allah. Hein? Et ne laissez pas le grand trompeur vous trompez à propos d'Allah, c'est-à-dire le shaytan, hein, al-gharour. C'est certes votre réel ennemi. Il est pour vous certes un vrai ennemi. Alors prenez-le comme tel, prenez-le comme ennemi, hein, pour que vous sachiez que son animosité doit toujours rester présent dans votre esprit, savoir qu'il est toujours prêt contre vous à vous faire ce qui va vous amener du tort et vous amener à qu'est-ce qui est mauvais pour vous. Alors ne soyez pas négligent dans la guerre que vous lui portez à chaque instant, parce que sachez qu'il vous voit alors que vous ne le voyez pas et qu'il est toujours aux aguets, hein, en train de vous surveiller pour vous faire tomber, hein. إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير هذا غايته ومقصوده في من تبعه أن يهان غاية الإهانة بالعذاب الشديد. Donc il ne fait qu'appeler son parti pour qu'ils soient des compagnons de l'enfer, hein? Bien entendu, il ne leur dit pas ça, hein, quand il les appelle, mais c'est ça le but, c'est ça l'objectif. Hein, c'est vers ça que ceux qui le suivent s'en vont, pour qu'ils soient humiliés à la limite de l'humiliation et qu'ils soient placés dans le plus dur des châtiments par la suite. Hein? Et bien entendu, ces gens-là, ils ne prennent pas ça, hein, en considération lorsqu'ils suivent le shaitan et cherchent l'honneur, mais leur conclusion sera l'humiliation. الشيخ إلى إكسبليك دا تفسير ابن كثير يقول: يا أيها الناس إن وعد الله حق أي المعاد كائن لا محالة فلا تغرنكم الحياة الدنيا أي العيشة الدنيئة بالنسبة إلى ما أعد الله لأوليائه وأتباع رسله من الخير العظيم لا تتلهوا عن ذلك الباقي بهذه الزهرة الفانية. Donc le cheikh, il explique, il dit que: ô vous les hommes, la promesse d'Allah est vérité, c'est-à-dire la résurrection, elle va se produire, et ça, il n'y a pas de, Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de choix. C'est quelque chose qui va se produire. Alors ne vous laissez pas tenter ou tromper par la vie d'ici-bas, c'est-à-dire cette vie qui est basse, hein, et qui est éphémère et qui n'a pas de valeur par rapport à ce que Allah a préparé pour ses serviteurs rapprochés et pour ceux qui suivent ses messagers, hein, de tous les grandes et bonnes choses qui sont préparées pour eux. Donc cette vie d'ici-bas, elle n'a aucune valeur par rapport à ce qui les attend. Alors ne vous laissez pas distraire par cette vie d'ici-bas qui est comme une rose éphémère pour laisser de côté ce qui est éternel après la mort et qui va être le paradis qui a été préparé pour les croyants. Donc la vie d'ici-bas, le cheikh il l'a décrit, il parle d'elle en disant que c'est une fleur qui est éphémère, et c'est comme une rose en fait. Elle est belle, mais elle fane très rapidement, elle ne reste pas longtemps, sa beauté. Et donc, si quelqu'un s'attache à ça, eh bien, il est perdant, parce que c'est quelque chose qui est éphémère, qui ne va pas durer. Même si tu arrives à vivre une centaine d'années sur la terre, et ça c'est peu probable que la plupart de nous réussissent à vivre jusqu'à cette date, mais si jamais tu réussis à vivre jusqu'à cette date-là, ou un peu plus, eh bien sache que de toute manière, tu ne vas pas l'amener avec toi. Qu'est-ce que tu as gagné dans cette dunya, hein? Tu ne pourras pas l'apporter avec toi, hein? Et subhanallah, même ton corps, tu ne l'amènes pas avec toi quand tu meurs, hein? C'est ton âme est enlevée, les anges viennent prendre ton âme, tu laisses tout et ton corps il reste dans la terre, hein? Et tu ramènes rien de tes richesses ou de tes plaisirs avec toi. Et même les koufars qui pensent parfois que le plaisir ou le vrai bonheur dans cette dunya, c'est l'amour qu'ils ont pour une personne, hein? Soit l'amour pour une femme si c'est un homme, ou bien l'amour pour un homme si c'est une femme, et ils s'imaginent que c'est ça le vrai et la vérité et le bonheur, et que c'est pour ça qu'ils vivent, eh bien ils doivent également eux aussi réaliser que la personne qu'ils aiment, la personne qu'ils aiment, eh bien elle va mourir elle aussi, et ils vont en être séparés, que ce soit leur femme ou leur épouse ou la femme qu'ils aiment, ou l'homme que ces femmes-là aiment, eh bien elles ne vont pas l'amener avec eux quand ils meurent. Chaque personne, il meurt seul, et donc c'est pour cette raison-là qu'on ne doit pas s'attacher à ces choses-là, mais à comprendre la raison de notre existence pour justement préparer qu'est-ce qui nous attend dans l'au-delà, hein, et d'être avec les croyants. Et il dit ensuite وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ, c'est-à-dire ne laissez pas le grand trompeur vous tromper à propos d'Allah. Il dit وَهُوَ الشَّيْطَانِ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. Donc Ibn Abbas il a dit que c'est le shaytan, al-gharour c'est al-shaytan. Et c'est rapporté par dans At-Tabari. Il dit ay la yuftinannakum ash-shaytan wa yusrifannakum an ittiba'i rusulillah wa tasdiqi kalimatihi fa innahu gharrarun kadhabun affak. Wa hadhihi al-ayah kal-ayati allati fi akhir Luqman. Fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya wa la yaghurrannakum billahi al-gharur. Donc le shaitan, ne le laissez pas vous tromper, ne le laissez pas vous détourner de suivre ses messagers, de suivre les messagers d'Allah et de croire en ses paroles, c'est-à-dire de croire en les paroles d'Allah, parce que c'est un grand trompeur, un grand menteur et un grand quelqu'un qui raconte des mensonges et des histoires. Donc c'est un trompeur, un menteur, il est le maître dans ce domaine. Hein? Donc, ne vous laissez pas tromper par celui-là. Hein? Et il explique le cheikh aussi que ce verset-là, il y en a, le même verset est mentionné à la fin de Surat Luqman. Hein? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a répété cette mise en garde pour les hommes. Hein? Et il y a plein de hadiths également qui mentionnent aussi le fait de prendre garde à la vie d'ici-bas. Fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisa. Hein? Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith. Alors prenez garde à la dunya et prenez garde aux femmes. Prenez garde aux femmes. Aussi, ça représente une grande fitna pour l'homme. Hein? Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijal min an-nisaa. Je n'ai laissé après moi une fitna plus grande pour l'homme, hein, que la femme. Je n'ai laissé après moi une fitna plus grande pour l'homme que la femme. Et le prophète justement sallallahu alayhi wa sallam dit dans l'autre hadith, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fi an-nisaa. La première fitna des fils d'Israël, elle a été dans la femme, hein, dans les femmes. Donc prenez garde à ces choses-là, ne vous laissez pas tenter, c'est-à-dire ne faites pas en sorte que la femme devienne une tentation pour vous au point où elle vous pousse à tomber dans ce qui est haram. Hein? Ne faites qu'elle vous pousse à tomber dans ce qui est haram. Et bien entendu, le fait que la femme, elle représente pour l'homme une responsabilité énorme, puisque l'homme est le gardien de la femme. Ensuite, le cheikh il dit, ثم بين تعالى عداوة إبليس لآدم. عداوة إبليس لآدم. فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أي هو مبارز لكم بالعداوة فعادوه أنتم أشد العداوة وخالفوه وكذبوه فيما يغركم به. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير أي إنما يقصد أن يضلكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب السعير فهذا هو العدو المبين نسأل الله القوي العزيز أن يجعلنا أعداء الشيطان وأن يرزقنا اتباع كتاب الله والاقتفاء بطريق رسوله إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير هذه كقوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. Donc le cheikh explique que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala explique, il mentionne la haine de Iblis pour les fils d'Adam. Et il dit que le shaitan est pour vous certes un ennemi. Alors prenez-le comme ennemi. Certes, prenez-le comme ennemi. Hein? Et il dit donc que le shaitan, il est, hein, disposé à vous déclarer la guerre et qu'il vous tient une animosité énorme, de la plus grande animosité. Donc vous également de votre côté, eh bien, ayez cette animosité-là envers lui aussi, de la plus sévère des animosités possibles, et contredisez ses ordres, et démentez-le dans ce qu'il essaie de vous tromper. Il ne fait que chercher à appeler son parti pour qu'il soit des compagnons de la fournaise, Sa'ir, c'est-à-dire de l'enfer. Donc, c'est uniquement son objectif et son but, c'est de vous égarer pour que vous rentriez avec lui dans le châtiment de l'enfer. Et c'est pour ça qu'il est pour vous un ennemi évident. Et on demande à Allah, le fort, le puissant, de faire de nous des ennemis du shaitan et qu'il nous donne, hein, de sa subsistance et qu'il nous permette de suivre son livre et de suivre la voie de son messager. Il a le pouvoir sur toute chose et il est celui qui exauce, hein, l'invocation. Et il dit qu'il y a des versets semblables dans le Coran, comme le verset 50 dans Sourate Al-Kahf, que le cheikh a mentionné justement. Le verset 50 qui dit « Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, et ils se prosternèrent, excepté Iblis, qui était du nombre des djinns, et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. » Donc ça, c'est la preuve que Iblis, la'anahullah, il fait partie des djinns et non pas des anges. Il était parmi les anges, mais il n'était pas un ange. Il n'était pas du nombre des anges. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux anges de se prosterner, lui a refusé de se prosterner. Donc, il dit, donc Allah dit qu'il était du nombre des djinns et qu'il se révolta contre le commandement de son Seigneur. Allez-vous cependant le prendre ainsi que sa descendance pour allié? Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous pose la question. Allez-vous cependant le prendre ainsi que sa descendance pour allié en dehors de moi alors qu'ils vous sont ennemis? Quel mauvais échange pour les injustes. Hein? Et en dehors de ce que le Cheikh a mentionné, il y a plusieurs autres versets aussi dans le Coran qui mentionnent le même point du fait que le Shaitan essaie d'égarer les hommes avec tout ce qu'il peut comme moyen. Le verset 36 à 42 dans Sourate Al-Hijr, hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا, il s'adresse au Shaitan et il dit قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. Il dit au Seigneur, donne-moi un délai, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, et Allah dit, sors de là du paradis car te voilà banni, et malédiction sur toi jusqu'au jour de la rétribution. Il dit, ô mon Seigneur, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où les gens seront ressuscités. Allah dit, tu es de ceux à qui ce délai est accordé jusqu'au jour de l'instant connu d'Allah. Il dit, ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, parce qu'il refuse de reconnaître son tort. Hein? Donc il dit, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous, à l'exception parmi eux de tes serviteurs élus. Hein? Donc il a promis qu'il allait nous enjoliver la vie sur terre, hein? Et qu'il allait tous nous égarer, à l'exception parmi eux de tes serviteurs élus. Allah dit, voici une voie droite qui mène vers moi. Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. Et également le verset dans Sourate Al-A'raf, le verset 15 à 18, hein, où Allah subhanahu wa ta'ala dit قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال فاخرج قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. Donc c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala dit, descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici, sors, te voilà parmi les méprisés. Donc le shaitan dit, accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit, tu es de ceux à qui le délai est accordé. Puisque tu m'as mis en erreur, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Puis je les asseyerai par devant, par derrière, par leur droite et leur gauche. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Donc il a promis, hein, il a juré qu'il va essayer d'égarer les hommes par tous les moyens et de tous les côtés, il va leur venir pour les faire tomber et pour les égarer. Hein? Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et sors de là, banni et rejeté. Quiconque te suit parmi eux, de vous tous, j'emplirai l'enfer. Et donc, le shaitan, pour se venger de l'homme, eh bien, c'est ce qu'il essaie de faire. Il essaie de ramener le plus de personnes avec lui dans l'enfer. pour égarer les hommes, hein, et pour se venger de notre père Adam, hein, alayhi salam. Ensuite, الذين كفروا لهم عذاب شديد. Donc ثم ذكر تعالى أن الناس انقسموا بحسب طاعة الشيطان وعدمها إلى قسمين. وذكر جزاء كل منهما. فقال الذين كفروا أي جحدوا ما جاءت به الرسل دلت عليه الكتب ودلت عليه الكتب لهم عذاب شديد في نار جهنم شديد في ذاته ووصفه وأنهم خالدون فيها أبدا والذين آمنوا بقلوبهم وبما دعا الله إلى الإيمان به وعملوا بمقتضى ذلك الإيمان بجوارحهم الأعمال الصالحات لهم مغفرة لذنوبهم يزول بها عنهم الشر والمكروه وأجر كبير يحصل به المطلوب. Donc, le Cheikh, il explique ensuite, à la fin du verset, donc, que ceux qui ont mécru, ils auront un châtiment, un dur châtiment, et que ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes œuvres auront un pardon et une grande récompense. Il explique que, il dit que les hommes se sont divisés par la suite, selon leur obéissance ou leur non-obéissance au shaitan, en deux catégories. Et il a mentionné la rétribution de chacun des deux groupes. Ceux qui ont mécru, c'est-à-dire qui ont nié ce que les messagers ont ramené et ce que les livres qu'ils ont ramené comportent comme preuve, donc ils ont renié ça, ceux-là sont ceux qui ont mécru, ils auront comme rétribution un châtiment douloureux, un châtiment sévère dans le feu de l'enfer. Et il est dur ce châtiment en lui-même et dans sa description et dans ses caractéristiques, et ils y, et par le fait que également ils y demeureront éternellement, hein? Donc c'est-à-dire ceux qui ont commis le shirk et qui ont associé avec Allah ou qui ont nié la foi en Allah et en ses messagers, ceux-là vont y rester éternellement. Et ceux qui ont cru avec leur cœur en ce que Allah subhanahu wa ta'ala a appelé les hommes à croire de la foi, hein, de la foi en lui, et qui ont fait ce qui est impliqué par la foi, c'est-à-dire avec leur corps qu'ils ont fait les bonnes œuvres, ils auront un pardon pour leurs péchés qui fera donc partir le mal et tout ce qu'il y a de mauvais pour eux, et ils auront une grande récompense, hein, qui va faire en sorte qu'ils vont obtenir leur but et leur objectif, qu'est-ce qu'ils ont désiré et qu'est-ce qu'ils ont voulu. Et le Cheikh explique ça ensuite, il dit, le Cheikh dans Tafsir ibn Kathir, il dit وَلِذَلِكَ ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّ ذَكَرَ تَعَالَ أَنَّ أَتْبَعَ إِبْلِيسِ مَسِيرُهُمْ إِلَى السَّعِيرِ وذكر بعد ذلك أن الذين كفروا لهم عذاب شديد لأنهم أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن وأن الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الصالحات لهم مغفرة أي لما كان منهم من ذنب وأجر كبير على ما عملوه من خير ثم قال تعالى. Donc le Cheikh explique que ceux qui ont suivi Iblis, ils auront l'enfer comme destination, et ceux qui ont mécru, ils auront un châtiment sévère, et ceux qui ont, c'est-à-dire c'est ceux qui ont obéi au shaitan et qui ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, ar-Rahman, et que ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers et qui ont fait les bonnes œuvres, ils auront un pardon, hein, de tout ce qu'ils ont fait comme péché et une récompense très grande pour ce qu'ils ont fait comme bien. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite: afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana. Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi, c'est-à-dire, et quoi, celui à qui on a enjolivé sa mauvaise action au point qu'il la voit belle, hein, fa inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. Mais Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Que ton âme ne se répande donc pas en regret pour eux. Allah est parfaitement savant de ce qu'il fabrique. C'est-à-dire, le cheikh il dit, يقول تعالى أفمن زين عمله السيء القبيح زينه له الشيطان وحسنه في عينه فرآه حسنا أي كمن هداه الله إلى الصراط المستقيم والدين القويم فهل يستوي هذا وهذا فالأول عمل السيء ورأى الحق باطلا والباطل حقا والثاني عمل الحسن ورأى الحق حقا والباطل باطلا. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit, est-ce que celui à qui Allah a est-ce que celui pour qui on a enjolivé l'action mauvaise qu'il fait, l'action qui est laide, le shaitan lui a rendu belle, lui a embelli, alors à un tel point qu'il l'a vu comme étant bonne, hein? Donc est-ce que celui-là est comparable à celui que Allah a guidé au droit chemin et à la religion de la droiture? Est-ce que celui-là est égal à l'autre, hein? Le premier, celui qui a fait du bien, le premier, celui qui a agi, qui a fait du mal, et il voit la vérité comme étant le faux, et il voit le faux comme étant le bien. Est-ce que celui-là est comparable au deuxième, c'est-à-dire celui qui a fait le bien, qui voit la vérité comme étant vérité, et le faux comme étant faux? Est-ce qu'on peut comparer ces deux-là, hein? Et ça fait penser aux gens qui font le shirk et qui s'imaginent qu'ils sont en train de faire du bien en adorant des idoles, en adorant des tombes, en adorant des morts, en priant à des saints ou des choses de ce genre, et qui font le shirk avec Allah et qui pensent que ça c'est des choses qui sont aimées d'Allah, hein? Donc ça c'est le shaitan qui leur a embelli ça. La même chose pour ceux qui font des bid'ah dans la religion et qui font des innovations, hein? Donc ils font des bid'ah et ils s'imaginent que ce sont des bonnes choses, et même que certains d'entre ces gens de bid'ah vont même jusqu'à dire, hein, que c'est des bid'ah hasana, hein? Donc ça c'est le shaitan qui leur a rendu hasana, c'est le shaitan qui a embelli ces bid'ah pour eux pour qu'ils les voient comme étant hasana, mais en réalité ce ne sont pas des choses qui sont hasana, ce ne sont pas des choses qui sont bonnes. Hein, ça c'est le shaitan qui les a égarés pour qu'ils pensent que ce soit des bonnes bid'ah, hein? Parce que toutes les bid'ah sont des égarements. Kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar, hein, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, hein? Et justement dans le verset dans sourate Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala il dit à propos des gens justement qui font des œuvres, qui s'imaginent faire le bien, hein, et qu'en réalité ce ne sont pas des bonnes œuvres qu'ils font. Et naam, il dit قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالَ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Voulez-vous qu'on vous informe des plus grands perdants en œuvres, ceux qui ont gaspillé leurs efforts dans la vie d'ici-bas alors qu'ils s'imaginaient faire le bien, hein? Et le cheikh ensuite il dit ولكن الهداية والإضلال بيد الله تعالى فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات على الضالين الذين زين لهم سوء أعمالهم وصدهم الشيطان عن الحق حسرات فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فليس عليك إلا البلاغ وليس عليك من هداهم شيء والله هو الذي يجازيهم بأعمالهم إن الله عليم بما يصنعون. Donc c'est le cheikh, il dit que sachez que la guidance et l'égarement sont entre les mains d'Allah, et que Allah il guide qui il veut, il égare qui il veut et il guide qui il veut. Alors, ne laisse pas ton âme se répandre pour eux, hein, en regret. Allah est parfaitement savant de ce qu'il fabrique. Et le cheikh explique, il dit, donc ne laisse pas ton âme se répandre pour les égarer parmi ceux à qui on a embelli le mal qu'ils font et que le shaitan a empêché de suivre la vérité, hein, ou bloqué du chemin de la vérité. Donc ne te laisse pas remplir de regrets pour eux dans ton âme, parce que la seule chose qui t'incombe, c'est de faire la transmission du message. Hein, c'est pas à toi de les guider. Et tu n'as rien à faire avec leur guidance. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide. Et c'est lui qui va les rétribuer et les récompenser selon leurs actions. Et Allah est certes connaissant de ce qu'il fabrique et savant de ce qu'il fabrique. Parce que des fois, on voit que des gens, hein, ils s'emplissent de... Non, d'un côté, ça montre aussi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a pour les hommes la volonté de les appeler à la vérité, et qu'il fait des efforts pour les appeler à la vérité, et qu'il est attristé par le fait que les gens ne suivent pas la vérité. Hein? Et il a du regret pour les gens. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, il dit à son messager, alors ne laisse pas ton âme se répandre pour eux en regret. Hein? Ne laisse pas la tristesse et le regret emplir ton âme, emplir ton cœur à cause d'eux, à cause de ces gens qui ont choisi l'égarement et qui ont voulu, hein, opposer la vérité. Certes, Allah est savant de ce qu'il fait, c'est lui qui guide et c'est lui qui égare. Et toi, tu n'as qu'une chose à faire, c'est de transmettre le message. Hein? Ensuite, par rapport à ce passage, le cheikh il mentionne, il dit donc que dans le tafsir Ibn Kathir, أينام أفمن زين له سوء وعمله فرآه حسنا يعني الكفار والفجار يعملون أعمالا سيئة وهم في ذلك يعتقدون ويحسبون أنهم يحسنون صنعا أي أفمن كان هكذا قد أضله الله ألك فيه حيلة لا حيلة لك فيه فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء أي بقدره كان ذلك فلا تذهب نفسك عليهم حسرات أي لا تأسف على ذلك فإن الله حكيم في قدره فإنما يضل من يضل ويهدي من يهدي لما له في ذلك من الحجة البالغة والعلم التام فلذلك قال تعالى إن الله عليم بما يصنعون. Donc le cheikh il explique ici, il dit que est-ce que pour celui pour qui on a embelli le mal de ses actions, alors qu'il les au point où ce qu'il les voit belles, c'est-à-dire ça c'est les kuffars, les gens qui sont des kuffars, qui rejettent la vérité, qui sont des fujjars, qui sont des pécheurs, des pervers, qui font du mal et qui agissent et qui font des choses mauvaises et qui croient que ou qui pensent que ce qu'ils font est bon. Et ça, c'est la réalité de tout ce que tu vois maintenant chez les koufars. Ils font tout ce qui est mauvais, et ils appellent à tout ce qui est mauvais, et ils s'imaginent que ce qu'ils font est bon. Hein? Allahul Musta'an. Et tu les vois même parfois glorifier le péché et le mal, et l'honorer, hein? Et tu les vois dénigrer le bien, et insulter le bien. Allahul Musta'an. Et comment ils font l'éloge à notre époque du shirk et du kufr et de la mécréance, hein, et de la laïcité et de la démocratie et de toutes des croyances et des idéologies qui sont des idéologies de kufr, hein, sans parler des péchés qu'ils élogent et qu'ils glorifient comme le zina, le sihr, la sorcellerie et la magie, comme ils font également l'éloge du zina, de la fornication, de la prostitution, de l'homosexualité et de toutes sortes d'autres perversités de ce genre. Ils font de ces choses-là des choses de bien, et ils voient ça comme étant bien, et ils voient le fait d'appeler à Allah et à la foi et au tawhid et à l'obéissance d'Allah et à s'écarter de ce qui est haram et à s'écarter des péchés, ils voient ça comme étant quelque chose de mauvais, comme étant quelque chose de mal. Hein? Donc ça c'est comment ces gens-là, le shaitan a embelli leurs actions pour eux. Hein? Donc est-ce que celui qui est ainsi, Allah a égaré, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour lui? Est-ce que tu as quelque chose que tu peux faire pour lui? Si Allah l'a égaré, sache que non. Hein? La seule chose que tu peux faire, c'est de transmettre le message comme on l'a lu tout à l'heure. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il égare qui il veut, il quitte qui il veut. C'est-à-dire que tout ça, c'est selon sa prédestination, selon ce qu'il a prédestiné. Alors, ne laisse pas les regrets, hein, emplir ton âme. Et ne sois pas triste pour ça, parce que certes, Allah subhanahu wa ta'ala, il est sage dans ce qu'il a prédestiné. Tout ce qu'il fait, c'est pour une raison et pour une sagesse. Hein, et parce que ces gens-là méritent. Donc, si quelqu'un a été égaré, Allah a égaré celui qu'il a égaré, il a guidé celui qu'il a guidé, eh bien, sachez que c'est parce qu'il a une preuve, hein, une preuve évidente et claire, et une science parfaite et complète à ce sujet-là. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, Inna Allaha alimun bima yasna'un. Allah subhanahu wa ta'ala est certes connaissant de ce qu'ils font, hein, et de ce qu'ils fabriquent, hein, comme il le mentionne. Ensuite, le verset 9, et là je vois que le temps commence à se faire un peu court, malheureusement, mais on a presque fini, Inch'Allah, on va essayer d'arriver au point où on avait calculé d'arriver. Sinon, on fera ce qu'on peut, Inch'Allah. Sinon, on arrêtera au verset 11. Hein? Donc, ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Wallahu alladhi arsala liyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyitin faahyayna. » D'accord, donc je pense que qu'est-ce qu'on va faire? On va s'arrêter au verset 9. Ça fait déjà 1h30 le cours. Donc ça, si on continue maintenant, ça va être long. Et là, on rentre dans un autre point où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle maintenant d'un autre aspect de la foi. Inch'Allah, on va s'arrêter donc ici. Et on va compléter ça demain, Inch'Allah, la suite. Hein? Donc on n'a pas fait jusqu'au verset 11. On va faire jusqu'au verset 9. Et à l'avenir, eh bien, on va laisser la détermination du cours ouvert sans désigner nécessairement à l'avance le nombre de versets qu'on doit lire en premier, puisque on voit que aujourd'hui par rapport à qu'est-ce qui se passe dans le dars, parfois ça peut prendre plus de temps, ça peut être plus court, ça peut être plus long selon les versets. Donc pour éviter de planifier incorrectement les cours, on va laisser ça ouvert à chaque cours pour, Inch'Allah, s'arrêter là où on arrive lorsque le temps nous arrête, Inch'Allah. Donc on est arrivé dans le tafsir ici. الذين كفروا لهم عذاب شديد. Ça on l'a lu. Ok. Donc on est arrivé ici au verset 9. Donc on va mettre une petite indication ici dans le livre. Donc khair inshallah, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à demain inshallah pour la suite de ce tafsir de sourate Fatir. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.